là maintenant que nous sommes seuls et tranquilles tous les trois. Pourquoi, messieurs les gentilshommes, dirions-nous pas à pleine voix? Les femmes, il n'y a que ça. Ce que le monde durera tant que la terre tournera. Les femmes, il n'y a que ça. Tant que le monde durera, il n'y aura pas. Voyez, messieurs, comme ils sont tristes, les gens qui tiennent le pouvoir. Nous sommes gays, nous les artistes, et c'est ce qui nous fait avoir. Des femmes, il n'y a que ça. Tant que le monde durera, tant que la terre tournera. Les femmes, il n'y a que ça. Voulez-vous faire une expérience? Prenez tous les gens qui passeront. Demandez-leur à quoi ils pensent. Parmi 20 sous, ils répondront. Aux femmes, oh, il n'y a que ça. Tant que le monde durera, tant que la terre tournera. Les femmes, il n'y a que ça. Tant que le monde durera, il n'y aura pas.